Biographie de Claude Lévi-Strauss, Wikipédia. Claude Lévi-Strauss, né le 28 novembre 1908 à Bruxelles, mort le 30 octobre 2009 à Paris, est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence décisive sur les sciences humaines dans la seconde moitié du XXe siècle, en étant notamment l'une des figures fondatrices de la pensée structuraliste. Professeur honoraire au Collège de France, il en a occupé la chaire d'anthropologie sociale de 1959 à 1982. Il était également membre de l'Académie française, dont il était devenu le premier centenaire. Depuis ses premiers travaux sur les Indiens du Brésil, qu'il avait étudiés sur le terrain entre 1935 et 1939, et la publication de sa thèse « Les structures élémentaires de la parenté » en 1949, il a produit une œuvre scientifique dont les apports ont été reconnus au plan international. Il a ainsi consacré une tétralogie, Les Mythologiques, à l'étude des mythes. Mais il a également publié des ouvrages qui sortent du strict cadre des études académiques, dont le plus célèbre, Triste Tropique, publié en 1955, l'a fait connaître et apprécier d'un vaste cercle de lecteurs. Biographie. Enfance et formation. Claude Lévi-Strauss, issu d'une famille intellectuelle, artistique, notamment de tradition musicale, et juive d'origine alsacienne, des environs de Strasbourg, est né à Bruxelles de parents français. Il est le fils de Raymond Lévi-Strauss, artiste peintre, et d'Emma Lévy. La famille réside à Paris. Son père était un peintre portraitiste qui fut ruiné par l'arrivée de la photographie. Son grand-père maternel, avec qui il a vécu lors de la Première Guerre mondiale, était le rabbin de la synagogue de Versailles. Il est aussi l'arrière-petit-fils d'Isaac Strauss, chef d'orchestre à la cour sous Louis-Philippe, puis sous Napoléon III. Il s'installe à Paris dans le 16e arrondissement pour suivre ses études secondaires, d'abord au lycée Janson de Sailly, puis au lycée Condorcet. À la fin de ses années de lycée, il rencontre un jeune socialiste d'un parti belge et s'engage alors à gauche. Il découvre rapidement les références littéraires de ce parti qui lui étaient jusqu'alors inconnues, incluant Marx. Il est ensuite militant au sein de la section française de l'Internationale ouvrière, chargé d'animer le groupe d'études socialistes, puis d'assumer le rôle de secrétaire général des étudiants socialistes. Il poursuit ses études à la faculté de droit de Paris, où il obtient sa licence, avant d'être admis à la Sorbonne. Il est reçu troisième de l'agrégation de philosophie en 1931. Il obtiendra un doctorat S-lettres en 1948. Si ses activités militantes cessent après son départ pour le Brésil, Claude Lévi-Strauss a failli faire une carrière politique. Missions ethnographiques et premières fonctions académiques. Après 2 ans d'enseignement de philosophie au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan et au lycée de Laon, le directeur de l'école normale supérieure, Célestin Bouglet, lui téléphone pour lui proposer de devenir membre de la mission universitaire au Brésil en tant que professeur de sociologie à l'université de São Paulo, où il enseigne de 1935 à 1938. C'est ce coup de téléphone qui a décidé de la vocation ethnographique de Lévi-Strauss, expliquera ce dernier dans Triste Tropique. De 1935 à 1939, il organise et dirige avec sa première femme, Dina, ethnologue de formation, plusieurs missions ethnographiques dans le Mato Grosso et en Amazonie. L'ethnologie jette un pont entre psychanalyse et marxisme d'un côté, géologie de l'autre. Lévi-Strauss a trouvé la science dans laquelle se marient toutes ses passions antérieures, écrit son biographe Denis Berthollet. En 1938, l'expédition conduite par Claude et Dina Lévi-Strauss traverse l'état du Mato Grosso. Ils partent de Suaba, une ancienne ville pionnière de chercheurs d'or, à bord d'une Ford 34. À partir de Diamantino, ils suivent avec des chars à bœufs une ligne télégraphique qui traverse le Cerrado, une brousse à la végétation très dense. Ils rencontrent les Nambiquara, dont ils rapportent une documentation fournie et 200 photos. En raison d'une infection des yeux, plusieurs membres de l'équipe, parmi lesquels Dina Lévi-Strauss, doivent abandonner la mission. Dina rentre à São Paulo, puis à Paris. Le couple se sépara en 1939. Claude Lévi-Strauss poursuit l'expédition avec quelques compagnons. il visite les Indiens Mundé et Tupi-Kawaib dans l'état du Rondônia. Toutes ces missions auprès de populations indiennes permettent à Lévi-Strauss de réunir les premiers matériaux qui seront à la base de sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté, soutenue en 1949. De retour en France à la veille de la guerre, il est mobilisé en 1939-1940 sur la ligne Maginot comme agent de liaison, puis affecté au lycée de Montpellier après sa révocation en 1940 en raison des lois raciales de Vichy. Il quitte la France en 1941 pour se réfugier à New York, alors haut lieu du bouillonnement culturel, où il enseigne à la New School for Social Research. La rencontre avec Roman Jakobson, dont il suit les cours et devient un proche, est décisive sur un plan intellectuel. La linguistique structurale lui apporte les éléments théoriques qui lui faisaient jusqu'à présent défaut pour mener à bien son travail d'ethnologue sur les systèmes de parenté. Il est engagé volontaire dans les forces françaises libres et affecté à la mission scientifique française aux États-Unis. Il fonde avec Henri Faucillon, Jacques Maritain, Jean Perrin et d'autres l'École libre des hautes études de New York en février 1942. Apogée scientifique. Rappelé en France en 1944 par le ministre des Affaires étrangères, il retourne aux États-Unis en 1945 pour y occuper les fonctions de conseiller culturel auprès de l'ambassade de France. Il démissionne en 1948 pour se consacrer à son travail scientifique. En 1949, il publie sa thèse « Les structures élémentaires de la parenté ». Cette même année, il devient sous-directeur du Musée de l'Homme, puis sollicité par Lucien Febvre, il obtient une chaire de directeur d'études à la 6e section de l'École pratique des hautes études, chaire des religions comparées des peuples sans écriture. 6e section qui deviendra plus tard l'École des hautes études en sciences sociales. Il publie en 1955 ce qui reste son livre le plus célèbre, « Triste tropique », livre qui, à mi-chemin de l'autobiographie, de la médiation philosophique et du témoignage ethnographique, connaît un énorme succès public et critique. De Raymond Aron à Maurice Blanchot, de Georges Bataille à Michel Léris, de nombreux intellectuels applaudissent à la publication de cet ouvrage qui sort des sentiers battus de l'ethnologie. Après la publication de son recueil d'anthropologie structurale en 1958, il jette les bases de son travail théorique en matière d'études des peuples premiers et de leurs mythes. En 1959, après deux échecs, il est élu professeur au Collège de France à la chaire d'anthropologie sociale. Parmi les mandarins de l'université, seul Georges Gurvitch ne voit pas d'un bon œil cette élection de Lévi-Strauss, mais, explique Denis Berthollet, Lévi-Strauss n'a plus aucune raison de s'expliquer avec son concurrent. À l'été 1960 est mise en place la structure d'un laboratoire d'anthropologie sociale qui révèle à la fois du Collège de France et de l'École pratique des hautes études. Il obtient de Fernand Braudel que le seul exemplaire européen des Human Relations Area Files, produit par l'Université Yale, soit confié au nouveau laboratoire, ce qui fait de cette nouvelle structure, avant même d'avoir lancé recherches et missions, un centre de référence en matière ethnographique. Il fonde en 1961 avec Émile Benveniste et Pierre Gourou la revue « L'Homme » qui s'ouvre aux multiples courants de l'ethnologie et de l'anthropologie et cherche à favoriser l'approche interdisciplinaire. Du début des années 1960 au début des années 1970, il se consacre à l'étude des mythes, en particulier sur la mythologie amérindienne. Ces études, les mythologiques, donne lieu à la publication de plusieurs volumes, dont le premier, Le cru et le cuit, paraît en 1964. C'est à cette époque que le milieu intellectuel, dont les temps modernes, commence à faire entendre des critiques sur la pensée de Lévi-Strauss. Mais c'est également à partir de 1970, l'époque où son œuvre commence à être étudiée pour elle-même avec la publication de Claude Lévi-Strauss, The Anthropologist as a Hero, par les presses du MIT, et du livre que lui a consacré l'anthropologue britannique Edmund Leach. Il donne de nombreux entretiens à la presse grâce auxquels, selon Denis Berthollet, il peut présenter, sous une forme vulgarisée, les idées qui lui tiennent à cœur. Et à ce titre, dans les années 1960, avant que l'écologie ne devienne une idéologie et un parti, Lévi-Strauss, par ses vues distantes et sévères, lui a sans doute donné, hors de tout effet de pathos, sa formulation la plus radicale. Il est élu en mai 1973 à l'Académie française. Comme le veut la tradition, il fait l'éloge de son prédécesseur Henri de Monterland et Roger Caillois, prononçant, à la demande de Lévi-Strauss, le discours de réponse, en profite pour lancer une série de flèches empoisonnées sur sa méthode et ses présupposés scientifiques. Son entrée à l'Académie française suscite autant d'interrogations au sein de la coupole que parmi ses amis et collaborateurs. Lévi-Strauss poursuit ses études sur la mythologie. Myth and Meaning, 1978, La potière jalouse, 1985, et enfin Histoire de lynx, 1991, qui clôt un travail entamé 40 ans plus tôt. En 1982, il prend sa retraite et quitte son poste au Collège de France. Il pèse de tout son poids pour que Françoise Héritier, sa collaboratrice de longue date, lui succède. Il continue cependant à venir au moins une fois par semaine au laboratoire pour y recevoir des jeunes chercheurs, toujours prêts à échanger, comme le souligne Françoise Héritier. Dernières années. À partir de 1994, Claude Lévi-Strauss publie moins. Il continue toutefois à donner régulièrement des comptes rendus de lecture pour l'Homme. En 1998, à l'occasion de son 90e anniversaire, la revue Critique lui dédie un numéro spécial dirigé par Marc Auger et une réception a lieu au Collège de France. Lévi-Strauss évoque sans détour la vieillesse et déclare notamment « Il y a aujourd'hui pour moi un moi réel qui n'est plus que le quart ou la moitié d'un homme et un moi virtuel qui conserve encore une vive idée du tout. Le moi virtuel dresse un projet de livre, commence à en organiser les chapitres et dit au moi réel « C'est à toi de continuer ». Et le moi réel, qui ne peut plus, dit au moi virtuel, « C'est ton affaire, c'est toi seul qui vois la totalité. » Ma vie se déroule à présent dans ce dialogue très étrange. Il donne pour un numéro de L'Homme d'avril-septembre 2002, consacré à la question de parenté, une postface dans laquelle il se félicite de constater que les lois et règles de fonctionnement qu'il a mises au jour restent au cœur des travaux contemporains, selon l'expression de Denis Berthollet. Au début de l'année 2005, lors d'une de ses dernières apparitions à la télévision française, il déclare, reprenant en des termes très proches, un sentiment qu'il avait déjà exprimé en 1972, entretien avec Jean-José Marchand, et en 1984, entretien avec Bernard Pivot. Ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime. En mai 2008, une partie de son œuvre, sélectionnée par Lévi-Strauss lui-même, est publiée dans un volume de la bibliothèque de la Pléiade, sous le titre d'œuvre. Le choix de la collection prestigieuse de la Maison Gallimard apparaît à Emmanuel Dévaux comme un embaumement de l'œuvre lévi-straussienne, et l'ensemble du projet éditorial ne permet pas à ses yeux de faire efficacement place à la réflexion anthropologique extrêmement puissante de l'auteur. C'est également le sentiment de Maurice Bloch qui remarque, de concert avec l'introduction impertinente rédigée par Vincent de Baen pour ce volume, que la France préfère de loin se représenter ses grands scientifiques et penseurs en grandes figures littéraires, plutôt que les célébrer pour ce qu'ils ont dit ou découvert. Le 28 novembre 2008, à l'occasion de son centenaire, de nombreuses manifestations sont organisées. Le musée du Quai Branly lui dédie une journée au cours de laquelle, devant une affluence record, des écrivains, des scientifiques et des artistes lisent un choix de ses textes. L'Académie française l'honore également le 27 novembre en fêtant le premier académicien centenaire de son histoire. La BNF organise une journée au cours de laquelle les visiteurs découvrent les manuscrits, les carnets de voyage, les croquis, les notes et même la machine à écrire de l'anthropologue. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, se rend au domicile parisien de Lévi-Strauss en compagnie d'Hélène Carrère d'Ancos pour s'entretenir avec lui de l'avenir de nos sociétés. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, annonce pour son centenaire la création d'un prix Claude Lévi-Strauss, d'un montant de 100 000 euros, qui doit récompenser chaque année le meilleur chercheur dans les disciplines telles que l'histoire, l'anthropologie, les sciences sociales ou l'archéologie. Son premier lauréat est, en juin 2009, l'anthropologue Dan Sperber. Claude Lévi-Strauss meurt le vendredi 30 octobre 2009 d'une crise cardiaque chez lui à Paris. Il est inhumé dans l'intimité à Lignerolles, Côte d'Or, 3 jours plus tard. À l'annonce de son décès, le 3 novembre 2009, Roger Paul Droit dresse pour le Monde le portrait d'un homme qui ne dissociait pas la défense de la diversité culturelle et celle de la diversité naturelle. Robert Maggiori, pour Libération, estime que l'héritage le plus sacré de Lévi-Strauss est l'idée que les cultures ont la même force et la même dignité parce qu'on trouve en chacune, aussi éloignées soient-elles des autres, des éléments poétiques, musicaux, mythiques qui sont communs. Dans The Guardian, Maurice Bloch souligne que malgré l'étiquette structuraliste utilisée par de nombreux auteurs, Lévi-Strauss n'a pas fait réellement école et demeure une figure solitaire mais imposante de l'histoire de la pensée en raison notamment de son positionnement philosophique naturaliste. Travaux. Introduction. Claude Lévi-Strauss a appliqué à l'anthropologie l'analyse structurale exploitée dans le domaine linguistique par Ferdinand de Saussure, puis Roman Jakobson. L'anthropologie prenait traditionnellement comme objet fondamental de son étude la famille, considérée comme une unité autonome composée d'un mari, d'une femme et de leurs enfants, et tenait pour secondaire les neveux, cousins, oncles, tantes et grands-parents. Lévi-Strauss estime que, de manière analogue à la valeur linguistique chez Saussure, les familles n'acquièrent des identités déterminées que par les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Il renverse ainsi le point de vue traditionnel de l'anthropologie en mettant en premier les membres secondaires de la famille et en centrant son analyse sur les relations entre les unités plutôt que sur les unités elles-mêmes. En analysant comment se forment les identités au cours des mariages intertribaux, Lévi-Strauss remarque que la relation entre un oncle et son neveu, A, est à la relation entre un frère et sa sœur, B, ce que la relation entre un père et son fils, C, est à celle qui relie un mari à sa femme, D. A est à B, ce que C est à D. De la sorte, si nous connaissons A, B et C, nous pouvons prédire D. L'objectif de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss est donc d'extraire de masses de données empiriques des relations générales entre des unités, ce qui permet d'isoler des lois à valeur prédictive telles que A est à B, ce que C est à D. Dans les structures élémentaires de la parenté, avec l'aide ponctuelle du mathématicien André Weil, il dégage le concept de structure élémentaire de parenté en utilisant la notion de groupe de clin. De manière similaire, Lévi-Strauss voit dans le mythe un acte de parole dans lequel on peut découvrir un langage. Comment donc, sans cela, des contes si fantastiques et si arbitraires pourraient-ils se ressembler autant d'une culture à l'autre ? Il part donc à la recherche des unités fondamentales du mythe, les mythèmes. Parlant de l'idée qu'il n'y a pas une version unique authentique du mythe, mais que toutes les versions sont des manifestations d'un même langage, il analyse chaque version en une série de propositions, chacune consistant en la relation entre une fonction et un sujet. Les propositions pourvues de la même fonction seront groupées sous le même numéro. Il s'agit des mythèmes. En examinant les relations entre les mythèmes, Lévi-Strauss déclare qu'un mythe consiste uniquement en oppositions binaires. Le mythe d'Œdipe, par exemple, c'est à la fois l'exagération et la sous-évaluation des relations de sang, l'affirmation d'une origine autochtone de l'humanité et le déni de cette origine. Sous l'influence de Hegel, Lévi-Strauss pense que l'esprit humain organise fondamentalement sa pensée autour de telles oppositions binaires et de leur unification, thèse, antithèse, synthèse, ce mécanisme permettant de rendre la signification possible. De plus, il considère que le mythe est un stratagème habile qui transforme une opposition binaire inconciliable en une opposition binaire conciliable, créant ainsi l'illusion ou la croyance qu'elle a été résolue. Étude des thèmes de parenté. À l'aide de la méthode structuraliste, Lévi-Strauss a donné un nouveau souffle aux études de la parenté. Il est le premier à insister sur l'importance de l'alliance au sein des structures de parenté et a mis en évidence la nécessité de l'échange et de la réciprocité découlant du principe de prohibition de l'inceste. Dans cette optique, il a été jusqu'à avancer l'idée que toute société humaine est fondée sur une unité minimale de parenté, l'atome de parenté. Cette théorie globale est connue plus communément sous le nom de théorie de l'alliance. Distinction, décoration, récompense. Distinction. Élu en 1973 au fauteuil 29 de l'Académie française, doyen d'âge de l'Académie depuis la mort du professeur Jean Bernard en 2006, doyen d'élection le 14 avril 2009 à la mort de Maurice Druon. Membre étranger de la National Academy of Sciences des États-Unis, membre de l'Académie britannique, membre de l'Académie royale des arts et des sciences néerlandaises, membre de l'Académie norvégienne des sciences et des lettres, conservateur d'honneur du musée du Quai Branly, nommé en 2007. Décorations françaises et étrangères. Grand Croix de la Légion d'honneur. Commandeur de l'Ordre national du mérite. Commandeur des Palmes académiques. Commandeur des Arts et des Lettres. Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Belgique. Commandeur de l'Ordre de la Croix du Sud du Brésil. Ordre du Soleil Levant, Étoile d'or et d'argent. Grand Croix de l'Ordre du Mérite Scientifique du Brésil. Prix et médailles. Médaille d'or et prix du Viking Fund, 1966. Médaille d'or du CNRS, 1967. Prix Erasme, 1973. Prix de la Fondation Nonino, 1986. Prix Abby M. Warburg, 1996. Prix Meister Eckhart, 2002. Docteur honoris causa. Il est docteur honoris causa des universités suivantes, par ordre alphabétique. Université libre de Bruxelles, Université de Chicago, Université de Columbia, Université Harvard, Université John Hopkins, Université Laval, Université nationale autonome du Mexique, Université de Montréal, Université d'Oxford, Université de Sao Paulo, Université de Stirling, Université d'Uppsala, Université Viva Bharati, Université Yale, Université nationale du Zaïre. Œuvres, premières éditions. Gracchus Babeuf et le communisme, publié par la maison d'édition du Parti ouvrier belge, l'Églantine, en 1926. La vie familiale et sociale des Indiens, Nambikwara, Paris, Société des Américanistes, 1948. Les structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949. Race et histoire, Paris, UNESCO, 1952. Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, dans Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1950. Triste tropique, Plomb, Paris, 1955. Anthropologie structurale, Paris, Plomb, 1958. Nombreuses rééditions, Pocket 1997. Le totémisme aujourd'hui, Paris, PUF 1962. La pensée sauvage, Paris, Plomb 1962. Mythologie, tome 1, Le cru et le cuit, Paris, Plomb 1964. Du miel aux cendres, Paris, Plomb 1967. Mythologique, tome 3, L'origine des manières de table, Paris, Plomb 1968. Mythologique, tome 4, L'homme nu, Paris, Plomb, 1971. Anthropologie structurale 2, Paris, Plomb, 1973. La voix des masques, 2 volumes, Genève, Skira, 1975. Myth and Meaning, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1978. Le renard éloigné, Paris, Plomb, 1983. Parole donnée, Paris, Plomb, 1984. Histoire de lynx, Paris, Pocket, 1991. Regardez, écoutez, lire, Paris, Plomb, 1993. Saudades do Brasil, Paris, Plomb, 1994. Le Père Noël supplicié, Pambalma, Sable, 1994. Œuvre, préface par Vincent de Benne, édition établie par Vincent de Maine, Frédéric Keck, Marie Mosé, Paris Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2008.